just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Les gens ont l'habitude de me regarder comme si j'étais une sorte de miroir et non une personne. Ils ne me voient pas. Ils voient leur propre obscénité en moi. Ensuite, ils mettent leur masque et me traitent de femme obscène. I wanna be kissed by you. Hello. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Septième épisode. Un jour de mai 1962, un gémissement assourdissant annonça l'arrivée d'un énorme hélicoptère qui se posa sur la piste du studio de la Fox, près du plateau 14. Peter Lawford, le beau-frère de Kennedy, sauta de l'appareil et se précipita dans la loge de Marilyn pour l'escorter jusqu'à l'engin bleu royal, qui l'emmena à l'aéroport de Los Angeles. 2 heures plus tard, Marilyn embarqua pour l'aéroport de New York, qui ne s'appelait pas encore JFK. Elle devait apparaître pour le gala en l'honneur du président, une fête organisée par le Parti démocrate. Ce serait la première fois qu'elle montrait sur scène face à un aussi large public depuis sa légendaire apparition devant des milliers de GIs en Corée. Dans l'avion, elle chantait « Happy Birthday to You ». Comme les 17 000 spectateurs du gala, elle avait payé $1 000 pour y assister et avait dit à Joan Greenson, la fille de son psychanalyste, « Normal, avec ton père, voilà des années que je paie pour parler. Maintenant, il faut que je paie pour chanter. » Elle avait répété sa chanson pendant des jours. Elle allait retrouver John Fitzgerald Kennedy qui était, depuis quelque temps, son amant épisodique. Revenue à New York, Marilyn était heureuse comme une enfant admise parmi les grandes personnes. Elle sillonnait la ville en taxi. Elle ne demandait pas à aller downtown ou uptown, mais dans cette direction, par ici, par là. La ville était une fête dont elle était la reine. Un échiquier qu'elle dominait par la beauté et la puissance de ses mouvements. Manhattan la vengeait d'Hollywood. Manhattan était plus qu'un souvenir, elle était un récit, une histoire qui lui parlait d'elle. New York était la ville des liens et lui faisait oublier la ville des séparations, des distances infinies entre les êtres et des limites infimes entre le réel et la fiction. Marilyn rejoignit tard dans la soirée son appartement de la 57e rue Est et reçut, le lendemain matin, une lettre de la Fox mettant fin à son contrat pour le tournage de « Quelque chose doit craquer » de George Cukor. Elle pensa un instant que si Greenson avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça. Troublée, elle assura difficilement les répétitions de sa prestation prévue pour le lendemain. Le soir venu, chez elle, le musicien Richard Adler eut du mal à lui faire redire pour la 30e fois « Happy birthday to you ». Il eut peur de cette voix de peine qu'il entendait monter en elle, de ce souffle éteint, de cette articulation empêchée. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Au fil des heures, son interprétation prenait de plus en plus une charge érotique. Et quand, après Ella Fitzgerald, Peggy Lee et Maria Callas, Marilyn Monroe chanta enfin devant la foule, elle donna à voir et à entendre une parodie d'elle-même. Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. Lawford annonce « The late Marilyn Monroe ». « Late » signifie « en retard », mais aussi « décédée »,« défunte ». On pourrait traduire ce qui est un jeu de mots ou un lapsus par « voici enfin que disparaît Marilyn Monroe ». La foule rit dans l'ombre. Marilyn a réalisé le vœu fait avec son ami Truman Capote, être en retard à son propre enterrement. Après une longue attente du public, Marilyn surgit du noir, titubante, telle une flamme bleutée, toute chair dehors. Cousue dans sa robe, Elle entre en scène d'un pas de geisha, comme encombrée de ses formes offertes aux milliers de spectateurs. Entravée par son fourreau neige, elle trébuche un peu sur ses talons aiguilles, retire de ses épaules une étole de fourrure blanche, effleure le micro du bout des doigts, désigne le président quelque part dans le noir, ferme les yeux, passe sa langue sur ses lèvres et commence à chanter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Cassé, flottant, rauque, son chant semble dire « Ils m'ont tous laissé tomber, Joey, Frank, Arthur, Ralph, parce que j'étais une fille mauvaise. Ils vont voir, eux et 40 millions d'Américains, comme je suis vraiment mauvaise. » The problems by the ton. We thank you. Thank you so much. Everybody, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Quand elle avait parlé avec Marilyn, juste avant son départ pour New York, Joanne Greenson avait vu une sorte de poupée sous calmant, molle et avachie. Elle lui avait donné pour la route, pour l'épreuve, comme elle le lui glissa à l'oreille, un livre pour enfants, l'histoire de la petite locomotive qui pouvait, afin qu'elle l'emportât à New York avec elle. Mais quand la star blanche était montée sur la scène du Madison Square Garden, sa robe était si serrée qu'il était impossible qu'elle ait gardé contre sa peau le livre ou le cavalier du jeu d'échecs donné par Greenson avant son départ. Remontée par les tranquillisants et le champagne, le froid au cœur, elle était entrée dans l'immense bouche noire, aveuglée par les projecteurs, traînant derrière elle l'ombre de sa peur. Dès son retour à Los Angeles, elle raconta à Joanne ce terrible moment. Tout le monde a parlé de ma robe à $6,000. En tissu transparent, si moulante que Jean-Louis avait dû la coudre sur moi. Ils n'ont pas compris. Ce n'était pas ma robe qui était une peau, mais ma peau qui était et reste un vêtement de chair. Ma peau qui me sert à ne pas être nue. Mr. President, for all the things you've done, battles that you've won, the way you deal with US Steel, and our problems by the ton. We thank you so much. À son retour de voyage en juin 1962, Greenson trouva dans son courrier une pluie de mots déposés par Marilyn, juste pliés, sans enveloppe. L'un d'eux le toucha particulièrement. Toujours l'échiquier. Je le regarde et je ne sais pas pourquoi, je pense que les derniers coups vont se jouer. Tous les mouvements de la partie que fut ma vie se résument dans les derniers déplacements de pièces. L'état de mon corps et celui de mon âme. La qualité de mon jeu d'actrice. L'intransigeance d'un cinéaste, Cukor, que j'admirais encore il y a peu. Les rapports sexuels où je suis prise comme dans ces prises poursuites de notre jeu. Je vois tous ces mouvements comme des déplacements de pièces sur les 64 cases de l'échiquier, jusqu'au mat. Le mot s'interrompait ainsi. Impressionné par la fascination de Marilyn pour les cases noires et blancs du jeu de mort, Greenson se dit qu'ils n'avaient jamais joué ensemble aux échecs. Lors de leur séance de reprise, il insista pour que Marilyn retourne sur le tournage du film « Quelque chose doit craquer ». Je vous adore, je voudrais alléger votre souffrance, mais il faut absolument que vous terminiez le film, je m'y suis engagé. Le studio a accepté de renégocier votre contrat pour $1 million. La moitié pour le tournage du film, plus un bonus s'il est achevé à la nouvelle date prévue. Et encore $500 000 ou plus pour une nouvelle comédie musicale. Et le plus incroyable, la Fox accepte de reprendre le scénario de Nunnally Johnson, que vous préfériez, et en prime, de remplacer George Cukor par un réalisateur approuvé par vous. Nous avons gagné! Je n'y arriverai pas. Et votre psychanalyse ne m'aidera pas. Mon métier d'actrice n'est pas un problème que j'ai à résoudre. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour résoudre un autre problème. La panique. Le seul remède et non la cause. Toutes les psychanalyses du monde n'y pourront jamais rien. Je suis arrivée au bout d'une impasse. Comme dans cette maison que vous m'avez fait acheter. Il y a une chose que peu de gens comprennent. C'est la lutte perpétuelle que chaque acteur doit livrer contre sa propre timidité. On s'imagine qu'il suffit d'arriver sur le plateau et de faire ce qu'il y a à faire, mais... En fait, c'est une véritable lutte contre nous-mêmes. Moi, j'ai toujours été d'une timidité maladive, alors il faut vraiment que je lutte. Un être humain, ça sent, ça souffre. C'est gay ou bien c'est malade. Comme tous les êtres qui créent, je voudrais avoir un peu plus de contrôle sur moi-même. Je voudrais qu'il me soit facile d'obéir à un metteur en scène. Lorsqu'il me dit une larme tout de suite, je voudrais que cette larme jaillisse et que ce soit fini. De l'angoisse, il en faut. Mais là, elle est trop grande. Un voile noir qui me couvre. Je ne peux pas le traverser. Michael Tchekhov, du temps où il était mon coach, m'avait dit « Se contenter de penser le personnage et de l'analyser mentalement ne te permet pas de le jouer, de te transformer en un autre. Ton esprit rationnel te laissera passive et distante. Mais si tu développes ton corps imaginaire, si tu te vides de toi, et que tu te laisses posséder par cet autre, ton désir et tes sentiments te feront incarner cet autre. C'est justement ce que je craignais. Devenir l'autre. Ça date pas d'hier. Ça me rappelle deux films que j'ai faits il y a 10 ans. Jamais... Ni avant ni depuis, je ne me suis sentie aussi mal dans un rôle. Je me souviens, dans Le démon s'éveille la nuit, mon premier vrai film, je mourais de peur d'affronter Barbara Stanwyck, la vedette, et surtout Fritz Lang, le metteur en scène. Il avait chassé du plateau Natasha Lites, ma coach de l'époque, et moi je ne pouvais pas jouer sans qu'elle soit à mes côtés. Ensuite, il y a eu un autre film, Troublez-moi ce soir. Comme aujourd'hui avec Cukor, je vomissais avant chaque scène. Comme aujourd'hui, dans Quelque chose doit craquer, mon personnage se présentait comme babysitter. Ce qui m'angoissait, c'était pas de jouer cette femme, mais de réaliser que ce rôle était en fait celui de ma mère. Mon impossible mère. À l'époque, je cachais son existence. Je disais qu'elle était morte. Pour ne pas dire qu'elle était folle. C'est seulement après ce film que j'ai pu organiser son placement en maison de santé. D'avoir joué cette femme incapable de s'occuper d'une petite fille m'a permis de m'occuper un peu plus de ma mère. Mes films, certains en tout cas, m'ont aidé à survivre. Lors de ce tournage, j'étais... malade d'avoir à revivre ces histoires. La peur du plateau, on appelle ça. Moi, c'était pas la peur, c'était... l'effroi. En plus, le metteur en scène s'appelait Baker. Comme ma mère. Mais ne le dites pas au docteur Freud. Cet homme me méprisait encore plus que Fritz Lang. J'avais 25 ans et c'était mon premier rôle important dans un film dramatique. Quand j'ai lu le scénario, j'ai couru chez Natacha en pleine nuit, cassée par la peur. On a travaillé ensemble entre espoir et panique 2 jours et 2 nuits entiers. À qui appartenez-vous ? J'appartiens à ceux qui veulent me prendre. Aux hommes, aux producteurs, au public. Et j'adore ça. Vous n'imaginez pas. Ma plus grande jouissance, ça a été l'hiver 54. Mon apparition en Corée. Je sais, je connais ces images. Je les ai vues il y a quelques mois sur NBC. À qui appartenez-vous ? Marilyn ne répondit pas. Marilyn se souvenait de Marilyn. Elle la revoyait, chantant devant des milliers d'hommes qui hurlaient à s'en faire péter les poumons. Elle n'avait plus peur. Elle avait commencé la tournée devant des blessés, puis dans la 45e division. 10 représentations sous la neige et par des températures en dessous de zéro, vêtue d'une mini-robe moulante pourpre à paillettes sans rien dessous. Des GIs complètement fous, en manque de femmes depuis des mois, la dévoraient de loin, morceau par morceau. Pour éviter l'émeute, elle avait même dû changer le titre de la chanson de Gershwin « Do It Again » en « Kiss Me Again ». Elle leur avait aussi chanté « Diamonds are a girl's best friend ». À eux qui se faisaient trouer la peau pour rien en Corée. Comme pour se rattraper, elle leur avait fait ensuite une danse sexy. Elle savait qu'ils aimeraient ça. Pendant 4 jours, les concerts se succédèrent, d'une base militaire à l'autre. Un jour, il fallut l'enlever dans les airs en hélicoptère. Plaquée au sol de l'appareil par 2 soldats, elle resta longtemps penchée dans l'ouverture de la porte pour envoyer des baisers aux hommes qui, en bas, hurlaient son nom. À qui appartenez-vous ? À la peur. Peur de quoi ? D'être seule ? C'est terrible ces journées où je suis coincée avec 40 personnes autour de moi. Coincée entre 2 mots 100 fois répétés. Première prise, coupée. Deuxième prise, coupée. Troisième prise, 13e prise, 25e prise. En fait, ce mot prise me terrifie et me rassure. C'est étrange. Ça me donne l'illusion que quelqu'un existe en moi. Quelqu'un comprend et reprend. Je suis celle qu'on prend. Après, on coupe, mais un instant, j'ai été là, dans l'œil du viseur. J'ai existé. Je sais que j'appartiens au public et au monde entier. Non pas à cause de mon talent, ni même de ma beauté, mais parce que je n'ai jamais appartenu à rien ni à personne. Quand vous n'appartenez à rien, à personne. Comment ne pas vous dire, j'appartiens à tous ceux qui veulent de moi. Y a-t-il un lieu auquel vous appartenez ? Il y a 10 ans, pendant le tournage de Troublez-moi ce soir, j'étais un peu perdue. Durant ces mois-là, j'ai eu 3 adresses. 2 dans West Hollywood, sur Hilldale Avenue et Downey Drive. Puis une suite au Bel Air Hotel dans Stone Canyon. Aucun de ces lieux n'a pu me donner un sentiment d'appartenance. J'essayais de devenir une bonne actrice et une bonne personne. Mais je ne vous avais pas. Parfois, je me sentais forte, mais il fallait aller chercher cette force dans l'ombre et la faire sortir. C'était difficile. Rien n'a jamais été facile. Rien n'est jamais facile, mais alors c'est encore moins facile que maintenant. Je ne pouvais pas parler de mon passé. C'était une expérience trop douloureuse. Et je voulais oublier. Pour oublier, il faut redire. Non. Il faut revivre. Qu'avez-vous cherché à revivre à cette fête Kennedy ? Vous ne comprenez rien. Lorsqu'on m'a demandé de paraître au Madison Square Garden, pour la soirée d'anniversaire du président. Je me suis sentie vraiment fière. Lorsque je suis arrivée sur la scène pour chanter « Happy Birthday to you », il y a eu un silence énorme dans le stade. Un peu comme si j'étais arrivée en combinaison sexy. À ce moment, je me suis dit « Mon Dieu, que va-t-il se passer si je n'arrive pas à chanter ?» Un silence pareil de la part d'un tel public, cela me réchauffe. C'est comme une sorte de baiser. Et à ce moment-là, on se dit « Bon sang, je chanterai cette chanson, même si c'est la dernière chose au monde que je puisse faire. Et je la chanterai pour tout le monde. » Et quand je me suis tournée vers les micros, je me souviens que j'ai parcouru des yeux le stade, dans tous les sens, en me disant « Voilà où j'aurais pu être. » Quelque part là-bas, en haut, tout en haut. Derrière les poutres. Près du plafond. Mais je suis là. Au centre. If you listen, you can hear it call. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. 7e épisode. Avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe, Georges Kless, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Johanna Nizar, la narratrice, Léonie Pinjot, Johan Grinson. To be lost in the stormy sea. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Amint. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset. You.